Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni. To ozo na ndeko na yo aza na Londres. Yebi saye libela. Agence de frais yango yo esiye. Agence yaba professionnel avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Aux Anna Nord et Angleterre, Benga Bissouna 074 74 80 10 87. Yo Zouamina Sud et Angleterre, Benga na 074 66 70 70 40. Van Ezoya Tinanda Kupona Koti Kape Kozoa Kolina Yo. Olingi yo Tindani, Mutuka, Vélo, Carton, Biloko Yakolia, Pe Biloko Nyoso Yanda, pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo et komi pe bandeko na yo bameli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com pona ozwa ba information nyonso etali ba frais. Vraiment Cafrex c'est au-delà de l'excellence. Bandeko na nganyo so bisika bo kutani merci lisusu toye kokutana après vidéo na biso to lansaki ya blocage utaka wapi tozo continuer toujours na blocage et utaka wapi na via mutu. Alors vous n'oublierez pas bato oyo bazara ba marchandise sikoyo lelo na kochela bino ni numéro ndenge bolobaki fo ko mayango ya Cafrex pona bato baza kuna na Royaume-Uni akuna na Londres bisika ba Liverpool bisika bakende ko sambu isa Barça bisika bo kokuta na na Tottenham na banini soki bolingi botinda biloko awa na RDC vous avez agence Fret Cafrex oyo to cha numéro d'ici là so bo bengi et loko na bino ba kozwango ekota na conteneur ko ya conteneur ali bosse se bimi mususu bazo former ango deja otozolo ba kala mingi te eza ko ya kotoy parce que to continuer lisusu le lona makambo etali blocage na vie ya mutu na lingi ndena remercier la première l'ancienne première dame de la république maman Olive Lembe Kabila na mona ye oyu auti koloba meza na ba sens ebele bolanda eloko na koloba na 100 jours et l'autre est makati il y a ebélé il y a kokoki ça makamunyonso et kokiki kokonko pour ça les mayango nyonso temba la mo ba tu vas soutenir kaka action ya mokonzi ya mboka ba tu vas tia maboko mutu na mutu na domaine na ye pona ete toko ka ko makisa niveau ya vie na biso nyonso na kati ya mboka ba tu vas avoir patience base de la queue à salata moi mikolo avant yako juger nini oyo akosala pona mboka hein il ne faut pas qu'on la presse 100 jours et kaka oyo et seigneur qui est salement et salemi mais tous la patience tous la patience ba congolais na osenga bino tous la patience puisque les habits sont nions sur le longo, ne tombe pas dans biso. Donc, t'osa obligé, y'a quoi soutenir misala, oyo mon kodiamboka a bandi kosa. Puisque magie est zate, naie mon copé a comment n'angoke, il y a pas de la magie. Ce n'est que le travail qui peut donner les résultats que nous attendons de lui. Voilà. Omoni ndenga expliquer bino ye na molonga ni naye azalaki na kati ya pouvoir bazo expliquer pona yoki ba tebele bisika bazali o sanjurango to mona lokote e bona boye mama lobi ce n'est pas la magie que magie mbala moko basali ozana bonbon na monoko okomoko fi bango non et puis bozala ka pena précision bozala pena ko yoka congolais tango basala ki makambo 100 jours kuna na échangeur plutôt président Félix na batutu oyo baleka ki balobaki te oyo bino bokomo loba aujourd'hui que 100 jours ezato kobanda ko lia bien 100 jours nyoso bomona pays nini na monde et réussissa makambo na 100 jours même Jésus-Christ, le fils de Dieu vivant, n'a pas évangélisé pendant 100 jours à Longi Mokili. C'est quoi cette histoire? Baloba qui misala moko ko salima sur toute l'étendue de la République, na ba secteur moko précis, na isika moko précis. Par exemple, ndenge basala ki sayo, basali université, ou ezali ko poser ba problème, ba bongisi côté intendance, ba tie batio mususu amayi na mabele, et puis na précisé, début oyo babanda ki amayi, Régie des eaux a un problème parce que bisika il fait ça la usine bato batonga ki banda kuna place ya régie des eaux il faut pas pesa bato na délai bazela balongwa bazwa bisika okende bakende bongo maye kota toza ko remercier congolais ndenge bazwa ko zwa conscience ya que so ki to fandi place mon côté to la kisike to lingani mutu moko te ko ya ko salela biso eloko malonga pona Congo. So to fandi kaka to vivre pour na vengeance to kolonga il tumbati parce que vengeance tina na ngonini bino bolobi to kobuka nyonso président Félix Tshisekedi parce que biso toza pour yete toza ya lamuka so ka sali nzela bobuki asali école bobuki asali ezaba exemple na zakozoa vie de gotikala 5 ans après bolobi il a échoué boze bogangi bosepeli bino pe boye kokota na kiti ya bokonzi ba oyo bobuke la ki biloko bango pe baye babuki babuki babuki babuki babuki 5 ans esili bo échoué mususu akoti to kotikala na RDC ekotongama jamais. C'est pourquoi nous félicitons le président Félix Tshisekedi na ndenge alobi makambo ya kolanda landa batu esili biso ne sto zonga to sangana to tongana na mboka oyo. Ce qui vous rêve que qui opposition au yabatumwindo zalaka ya kobuka misala ya mususu ezelo kama longa ba noir pays na bango ko kendele bosote to landa retour ya Moïse Katumbi ndenge a lobby na pêche félicitations du fait que message na ye eza oyo fayulu a opesate ya fayulu zakaka kobunda ya fayulu zakaka to sala na muzito to ko soulever bato po to ko isanyoso mais Moïse bolanda eloko ya lobi. Si je suis venu ici aujourd'hui pour cette interview, c'est pour mon retour au pays. Je voudrais rentrer au pays et je vais vous donner la date. Je rentre le 20 mai à Lubumbashi. À Lubumbashi. Pour rester avec le mien, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Moi, j'étais à l'étranger, mais eux, ils ont vécu l'enfer. Donc, je vais pour consoler d'abord ma population. Donc, c'est ferme et définitif. Le 20 mai, 3 ans, jour pour jour après votre départ, vous serez à Lubumbashi, dans votre pays. C'est définitif. Le 20 mai, je suis à Lubumbashi. Boyoki ndenge, chairman Moïse Katumbi à lobby. Félicitations. Rentrez au pays. Nous n'avons que ça comme pays. Il n'y a pas autre chose. Biso nyonso na ba stade to kutani. To bwaka makambo na biso na sima. To tala liboso, to tonga ekolo oyo. Il y a l'argent ici, il y a la vie ici. Mindele kobenda ba oyo koto oyo epesi bango ide, ebendi oyo koto epesi ide, to kobunda kobunda kobunda kobunda, mais bango baza déjà organisé. Nous on ne l'est pas. Pour que le casico na blocage suite, je signale au président de la République que Bapeso ba rendez-vous et belete au sala ka audience chaque jour. Boya mususu okita otala isika basala ki misala ya 100 jours parce que congolais soki oyo ko contrôler te akosala biloko mususu ya mabe bokoya ko retrouver ke mbongo kende ki pamba. Parce que na minute oyo par exemple na musala ya bato asinele basalaki bafungoli ba prepayer pa bato na minute oyo se saboté, on vous informe bakomi kokata prepayer mingi ba otika système ya kala et bato sikoyo na minute oyo bakomi koyina 100 jours bakomi kofinga ngo. Monsieur le président de la République, ba conseiller na bazali bafanda na bureau te batambola ba vérifier misala bosalaki déjà prepayer comme ya lisolo soki courant ezate batu bakomoko imaima ebele ti bakolongola bolingo oyo bazana ngo pona yo monsieur le président de la République. Suivi nde ezalaki kozanga même na République elekaki na rais Kabila suivi ba audience mususu ke leki et que ça le distraction okoyeba te ke lo kwa mutu yeza pembeni na kende ko vérifier ango uzako yamba batu ango bosololi bosololi ba mususu tinda bango pa ba conseil yo bimanano parce que yo zo peser makasi confiance oyeba pesi na population ba pesi yo ozanzambe te mais on représente nzambe na minute ba ko poser ba problème tout. Blocage na vie ya mutu tozo continuer toko silisa ba étape nyonso oyo espèce ka blocage avant to kota na ba solution na chaque place ya blocage mususu solution nga na koyebisa bino nenge basala ki na biso mususu na koluka serviteur de Dieu pa ya blague ya bien oyo koyebisa bino. Qu'est-ce que vous allez faire na kati ya blocage oyeza ya boye? Aujourd'hui, eza na bato ebele ba zwa blocage na vie na bango ya mariage na ndenge nini? Yo sentir que okomi pre na kobala. Mais oza na moyen te. Et loko liboso sala musala. Bunda zwa mbongo na yo moko. Mi balela yo moko. Ou bien soki papa na za na mama koki a baleli yo. Et rerebele koti na ba mariage, ezaya ke mutu alobi a sali faire part. Akabuli ngwe pa ba talobi boko tizelenga mbongo na lingi na bala. Yeba ke na ba mbongo nyoso za kozua. Oyo ya piège ezaka na kati. Déjà sur le plan mystique, moi si yo ko bala za ya yo mon côté. Bobalie bato ebele kozo ango jete oya pesaki $200 oya pesi $100 oya pesi boye yozo zwango lokola charité eza charité te charité za na makamu mususu pona kobala olonga etumba zala na possibilité na yo moko bala yo moko mwasi mingi bakotizela bango mbongo. Na kati ya cotisation et salaki dot na ye bakanga sikoyo ye na mutu moko to na mibale to na batu nyonso bakotizaki bakangi libala wana bakomo ko dicter na kati ya libala na yo ozui blocage soit kobota bana te soit bana ya zoba zoba soit koti e bimi balobi aza na nyongola biso to balela ye mwasi bakomi kumusala nyonso zo sala mbongo ato simbi ebele na maboko na yo ndenge zo sila yo zo comprendre te cotisation et basala qui pona yo. C'est très important. Blocage yami balé batebele bazwa yango balela mariage ya pile au lit. Na sangisa bato ba mona ke na bali. Eza bien. Est-ce qu'on se prépare na prière réellement? Est-ce qu'on za na bato yo tie ba intercesseur ya makasi na salia mariage na yo? Na pesi déjà solution na eloko wana. Est-ce que Dieu a mis la main là-dessus? Pour mingi mingi ba bloka bango à travers ba cadeau de mariage. Yo moni ba pesho ba kopo ba vere kitoko o sepeli o bandi ko melelango mai. Chaque fois o melaka mai o kanga kavina yo. Attention na ba cadeau ba yela kabino. Yango na luambo makiadi ayembaka cadeau empoisonné. C'est-à-dire ba mususu ba koyela mwasi ba papier génique. Atali yango ba kotex moko kitoko oyo kutu ekanga kama kila très bien alati yango na loyenge bakangi e kobota. Blocage koti na koto ya kobota. Kado oyo bozwaka. Bosala kana ngo nini? Boyambaka yango ndenge nini? Bokotsa kango na ndaku na lolenge nini? Blocage ezala kawana. Oki ko bala mwasi moko a divorsa. Yo ortikali kaka na nivo e balobi a divorsa c'est tout. Mais mingi babala basio ba divorsa mais dot bazongi sate. Tango yo bazongi si dot te mwasi wana atikali mwasi ya o wana. Ko divorcer signifie ko zongi sape dot. ko diverser selon la loi juge akoloba ko bandalelo bokabwani mais sur le plan mystère et mystique d'autres ya batu ezonga soki ezongi te atikali mwasi ya owana wana za blocage blocage mususu batu bazwa yangoyo mwasi wana za kano mwasi wana za kitoko kolanda ete mwasi ya batu ete mobali na kufa kala mwasi wana za bien et 6 mois à peu près aza libre na fungola bino mayele place wana basi ebele oyo bakufela mibali sur le plan coutumier babongisa yango te sur le plan religieux ba exorcisa yete mwasi wana okomona okena na chambre oteni na loketo soko moni mwasi na loketo aza na singa keba mususu aza na singa ya mayaka ezali na kisi oyo esalaka ke soki oleki na ye jour wana okobanda koluka ye tout le temps singa wana ezali molimo mobimba bazwi na cimetiere ezwi elati yo na nzoto sikoyo lokola molimo wana ezosala mosala ekokobloke bozwi na yo ekokobloke kimia na mariage na yo yango na bato mosusu na kati ya libala baswanaka na mwasi na ye tout le temps tout le temps akendeki kokushe na mwasi oyo akufela mobali atikala epai ya baluba balobaka aza na lufuila sikoyo bakangaka bango singa na luketo balobi kutu soki olingi ozala libre zwa mobali moko bokende na ye ntango bozosala rapport sexuel kata singa wana soki akati milimu nyonso oyo baakimilaki na mariage na bango precedent ekokota yo na nzoto na jour wana ntango yo mpe ozongi epai na yo oke ozwi mpe mwasi na yo le diable e malin kaka jour osali ekobo kuna outi apesi mwasi no mposa ya makasi oyoki soni ke soki naboyi mwasi akosupsone ngai okutani na mwasi na yo na libala na yo milimu tu elati ye parce ke milimu mingi epai ya mwasi ekende kofanda na nzoto ya mwasi eke kokota sikoyo na matrice efandi c'est ainsi que femme mpona kodelivre ye esengaka bapriere puissante mpo akoka kozala libere bamosusu bakei ndeko na bango akufi atali mwasi kitoko ya mwasi atali mwasi aza na bamwa mbongo na maboko alobi ngai naza koherite ye o aza mwasi aleki na ngai akufa ngai na nazwi akomi mwasi na ngai boyeba ke soki ozwi mwasi ya motu mobali na ye akufa ozwi pasi na ye na bolamu na ye mingimingi lisolo ya sexe etindaka biso tosala makambo wana c'est-à-dire d'abord soki nalandi yo ntango grand frère na yo azalaki na bomoi na mwasi na ye oza kolula mwasi na ye jésus-christ dit vous péchez en pensée na mayele na bino bopeshaka vous péchez par omission olingaki osala otiki vous péchez en acte osali mpe likambo yango c'est-à-dire mwasi ya grand frère na yo ntango baza na grand frère eloko ozalaki kozela kaka grand frère akufa osi osala ekobo na ye na molimo na yo ntango grand frère akufi mbala moko ozwi mwasi na ye blocage ebandi bato mosusu baza na blocage na nivo ya kintshudi kintshudi ezali babalisi mwana mwasi deja aza mwana moke papa azwi mbongo ya mwana wana na mwana moke na ye siko fi wana ntango aza kokola azwi gu ya monde asepeli te ke azonga kaka na bandundu babala ye alobi nalingi nabala mokongo nabala moluba mungala moswahili sika walokola basi bakanga ye na molimo wana ya kintshudi bokomo kovivre malchance na libala il faut priere ya makasi soki na bokoko bokoko ekata eloko wana kutume nyonso ezalaka mabe te me kutume mabe ezali oyo ya kozwa mwasi ya ndeko ozwi yo akomi mwasi na yo eza mabe oza kotala sikoyo bolumbu oyo grand frère na yo azalaki kotala eza mabe Kintchudi eza mabe. Et ça la blocage belé ma casse. Parce que non ko ya yeki ko pesa mbongo libala ebi o ya za mwasi na ngai akanga yo libala déjà spirituellement. Or l'esprit a une puissance sur le corps. Nyoso ko banda ko sala e ko za la passe. Ba mususu bazwa blocage na nzela ya hôpital. Basi ebele ba bébé sa bango na ba gynécologue oyo bazana na ba science occulte. Gynécologue aza ndoki mais aza ko sala toucher vaginal. Tango aza ko tia misapi a umeli a umeli loko eza mukeme ko umela aza ko sala pe incantation atindiki milimo ebele na kati ya nzoto ya mwasi. Tango mwasi a ko zonga epa ya mobali na ye bakutani sans qu'il y ait la prière pour faire déloger ses esprits, parce que ben esprit tant que kota ka le même jour, et ça la ka faible la le même jour. Ce qui est umeli mikolo et komaka fort, et ko benga pe milimo mususu ba cohabiter ensemble. Donc, okomona okeyi na hôpital gynécologique pour ba sala yo toucher vaginal, ba traiter bokono za ko yoka. Kende sala prière ya makasi. Soki semaine mobimba sala kaka prière oyo nzambe acha yo moto na nzoto na yo. Acha moto na kati ya bonzo nzoto na ya bomwasi. Tango ye mutu ya occultisme akotia misapi na ye po sala incantation azika. Tango sorcier ko simba nzoto ya mwana mwasi akoma aveugle. Ainsi dit na sukisi wana. Toko continue li susu na ba blocage avant toko ta na solution contre le blocage nzamba pambola bino. Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni. To oza na ndeko na yo oza na Londres. Yebi saye libela. Agence de frais yango yo esi eye. Agence ya ba professionnel avec de diplôme universitaire ya Royaume-Uni. Oza na Nord ya Angleterre. Benga biso na 074 74 90 87. Yo zwami na sud ya Angleterre. Benga na 074 66 70 70 40. Van ezoya tina nda kupona koti kafe kozwa koli na yo. Bolingi yo tinda ni mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia pe biloko nyonso ya nda. Pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo e komi pe bandeko na yo bameli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com pona ozwa ba information nyonso etali ba frais. Vraiment Cafrex, c'est au-delà de l'excellence.